48e chapitre. Départ de Téhéran. Voyage de Nasser Eddin. Les chats font des honneurs au ferach de Sa Majesté. Mes compagnons de route, le chef de notre caravane, les adieux et la bienvenue. Les muletiers arabes. Première étape, une fausse alerte. Après avoir passé 4 mois à Téhéran, je quittais cette ville au printemps. Me laissant guider par l'expérience, le meilleur des conseillers, je pris mes précautions afin que mon voyage de retour fût moins pénible que celui de mon arrivée en Perse. Muni d'un écrit du grand vizir adressé au gouverneur des provinces que je devais traverser, je fus aussi particulièrement recommandé par lui au joaillier du chat, M. Martineau Totvanian, brave arménien avec lequel j'allais faire route. J'étais donc bien escorté et protégé cette fois, contre toutes mes aventures. Je désirais aller par Tauris, mais je dus y renoncer, le chat ayant choisi ce chemin pour se rendre en Europe. Aussi bon cavalier que timide marin, Nasser Eddin préférait faire à cheval la plus grande partie du voyage afin d'éviter le trajet par mer. La vénération des sujets persans pour l'ombre de Dieu est bien connue. Cependant, ils évitent avec le plus grand soin de se trouver sur son passage. En effet, tout lui appartenant, c'est l'exercice de ce droit qu'ils redoutent. Aussi, le camp volant du chat cause-t-il le plus grand émoi dans les villages voisins de l'emplacement où se dressent ses tentes. Plusieurs jours avant le départ du cortège, des ferrachs sont expédiés pour intimer l'ordre aux habitants de faire des préparatifs de réception. Cet avertissement est pour eux une mauvaise nouvelle et l'attente de l'ennemi qui viendrait piller leur foyer ne leur causerait pas une plus grande terreur. Et ce n'est pas sans cause, car il leur incombe de nourrir les gens du chat. Ils sont tenus d'apporter tout ce qui se trouve dans leur village, et, en cas d'insuffisance, de se procurer dans les environs les provisions qui viendraient à manquer. Il est à présumer que les cordons de la bourse de Sa Majesté se délient pour solder ses dépenses, mais ces pauvres villageois ne reçoivent rien, ou fort peu, en échange de ce qu'ils ont fourni à la suite de Nasser Eddin. Sachant à quoi s'en tenir, dès qu'ils apprennent que le chat se met en voyage, les habitants des localités situées sur son parcours désertent en masse, emportent leur avoir, ordinairement fort minime, et vont se réfugier ailleurs pour éviter la ruine. On raconte qu'une fois, des ferrachs, en tournée pour annoncer la venue du souverain, trouvèrent l'un des bourgs voisins de la capitale absolument désert. Seuls, de superbes chats, gardiens de la localité, y étaient restés pour faire les honneurs aux messagers de Sa Majesté qu'ils saluèrent de leur plus triste miaulement. Note. Ce fait survint quelque temps avant mon arrivée. Il existe en Perse une race de chats fort appréciée. Fin de note. Dans ces circonstances, celui qui est forcé de prendre la même direction que le cortège a soin de ne pas se mettre en route avant, pendant ou immédiatement après son passage, car une disette générale règne alors sur toute la ligne. La suite qui accompagnait Nasser Eddin en 1878 avait pris des proportions considérables, tous les dignitaires de sa cour briguant l'honneur de lui servir d'escorte. Pour aller en caravane de Téhéran à Tauris, il faut une 20aine de jours, et même davantage pendant les chaleurs, car alors on est obligé de voyager à petite journée. C'est ce que fait le cortège du chat, qui se repose sous des tentes. Voulant éviter tous ces désagréments, mes futurs compagnons de voyage m'engagèrent vivement à prendre la route postale de Téhéran à Resht, qui est la plus directe et la plus courte. En Perse, les voyages en Chapar représentent nos express. Les caravanes équivalent aux trains omnibus. Je ne fus pas fâchée d'adopter de nouveau ce dernier mode de locomotion qui me permettait de m'arrêter aux endroits les plus intéressants. Notre caravane se composait du joaillier, de sa nièce avec son enfant et de plusieurs jeunes Arméniens se rendant en Europe pour apprendre un métier et revenir faire fortune dans leur pays. Nous étions escortés par deux golems qui, sur l'ordre du gouverneur de Téhéran, devaient nous protéger contre toute attaque et veiller sur les objets envoyés par le gouvernement à l'exposition de Paris confiée aux soins du chef de notre caravane, M. Martineau Totvanian. Note. Golam, homme d'escorte chargé par les gouverneurs d'accompagner les porteurs d'un ordre ouvert qui est délivré aux Européens par le ministre des Affaires étrangères, aux Persans par celui de l'Intérieur. On donne de généreux peshkesh au Golam. Fin de la première note. Deuxième note. Gouverneur de Téhéran, troisième fils du Shah, portant le titre de Naïb Saltané, lieutenant de l'Empire. Fin des deux notes. La position que celui-ci s'était faite en Perse est un exemple de la persévérance et de la ténacité des Arméniens. Il me raconta que son père, qui jouissait d'une certaine fortune, imbu de l'idée que tout homme doit savoir un métier, l'avait mis à l'âge de 9 ans en apprentissage chez un tailleur à Constantinople. Il y avait appris, outre la confection des habits, la broderie en or, fort recherchée en Orient. À 20 ans, riche de ses connaissances, mais ne possédant que 18 francs pour tout avoir, il était allé à Tauris. C'était en 1852, au commencement du règne de Nasser Eddin. Le jeune tailleur fut heureux dès le début. Il reçut la commande d'un vêtement pour le gouverneur, oncle du Shah. Les Persans, je l'ai déjà dit, ont un faible pour les beaux habits. Celui que l'Arménien confectionna pour le parent du souverain lui valut la nomination de tailleur en chef civil et militaire. La fortune continuant à lui sourire, il devint, quelque temps après, fournisseur de l'armée et le Shah lui conféra le firmament de tailleur de sa majesté. Grand émoi dans le monde de la haute fashion de Téhéran. La cour et la ville ne voulurent plus être habillées que par le Dussautois et le Worth arménien. Les hommes s'arrachaient ses serdaris, les femmes ses chinelles. Note, serdaris, vêtements à pans plissés. Deuxième note, chinelle, espèce de manteau. Fin des deux notes. L'engouement fut comme toujours poussé à l'extrême. Les beaux esprits allèrent jusqu'à chanter le goût et le chic du tailleur dans des couplets aussi populaires au bazar que dans les andérounes du grand monde. En voici un. J'ai commandé un chinelle pour ma bien-aimée chez Martineau, le fameux tailleur. Il l'a brodé si richement qu'il en exige beaucoup de taumant. Pour plaire à ma bien-aimée, j'ai payé la façon de son chinelle 1000 crans. Avec cette somme, le riche Martineau fera bâtir un nouveau bala rané sur la route royale. Fin des couplets. Après avoir exercé son métier pendant 14 ans et amassé une fortune considérable, l'Arménien abandonna ciseaux et aiguilles et entreprit un autre commerce. Il devint joaillier et fut nommé fournisseur en chef de la cour de Sa Majesté Nasser Eddin. Il est aujourd'hui décoré de plusieurs ordres étrangers, commandeur du Lion et du Soleil de Perse, et vit fort agréablement à Paris, au milieu de sa famille, continuant toujours à avoir des relations commerciales avec les persans. Mais revenons à notre caravane. Celui qui n'est pas allé en Perse ne saurait se figurer les nombreux préparatifs, les précautions préliminaires infinies que nécessite une excursion dans ce pays. Je pus cette fois m'en faire une idée exacte, étant accompagné d'indigènes habitués à se munir de tout le nécessaire. Un voyage en caravane représente bien réellement le long voyage de la vie. Tout nié, cœur et malheur. Nous avions une trentaine de mulets chargés, les uns de gros colis, les autres de menus bagages. Juchés sur ces pyramides d'effets dont ils s'étaient constitués les gardiens, les jeunes Arméniens formaient notre avant-garde. Le mulet portant les deux Kedjavé, occupé par ma compagne, son enfant et moi, formaient le centre. Des Tcharwadars fermaient la marche. En plus du mobilier complet de voyage que nous avions, nous ne manquions pas de provisions de bouche de toute nature. Des agneaux, des poules, des dindons, des pigeons vivants étaient attachés pêle-mêle avec des caliants et leurs accessoires sur les flancs des mulets. Comme s'ils avaient pressenti le sort qui leur était réservé, ils poussaient des bêlements et des cris qui, joints à ceux des bêtes de somme, formait une musique peu agréable. Hassan, notre cuisinier, était assurément le personnage le plus important de la caravane. Ni ministre au pouvoir, ni favorite en titre ne sont traités avec plus de considération que ne l'était ce gardien du kourin, sac contenant le sucre, le lavatch, les œufs durs et le fromage qu'il distribuait à chacun de nous en route. Note, le lavatch, galette de pâte molle, fin de note. Tous cherchaient à rester dans ces bonnes grâces afin d'être bien servis. Outre l'art culinaire dans lequel il excellait et qu'il avait exercé dans maintes cuisines européennes, entre autres à la Légation de France à Téhéran, Hassan était polyglotte. Il parlait le français. Je n'avais donc pas besoin d'interprète chaque fois que je lui demandais de quoi satisfaire mon appétit. La première journée de marche d'une caravane s'accomplit d'ordinaire avec une sage lenteur. Un temps infini est consacré aux adieux, qui, comme les compliments de bienvenue, ont beaucoup d'importance. Prendre congé, baudrere, signifie accompagner ceux qui partent jusqu'à une halte voisine de la ville, où l'on sert des rafraîchissements. C'est là qu'on boit le coup de l'étrier et que l'on se sépare. Les adieux faits à mes compagnons par leurs parents et amis furent très chaleureux. Les Arméniens, comme toutes les nations persécutées, sont étroitement unis entre eux. Ils s'aident les uns les autres et leurs relations sont empreintes du caractère des mœurs patriarcales, pleines de simplicité et de bonhomie. C'est principalement dans la classe bourgeoise à laquelle mes compagnons appartenaient que cet attachement à leur race est le plus vif. À notre passage dans le quartier arménien, nous fûmes escortés d'un grand nombre de femmes cachées sous la tchadra. Elles se tenaient d'un côté de la caravane, les hommes marchaient de l'autre. Note, les arméniennes sont vêtues comme les persanes. Fin de note. Nous nous arrêtâmes à un kalyan frouch, débit de kalyan hors de la ville. Après que le thé eut été servi, les interminables embrassades commencèrent. Finalement, les cavaliers montèrent en selle et l'on m'aida, ainsi que l'arménienne et son enfant, à grimper sous la capote de laquelle j'avais. En jetant un dernier regard sur Téhéran, caché derrière un pli du terrain, je vis au loin les tourelles élevées de ses portes, ses minarets, le dôme doré de la mosquée royale et les arcs découverts du tékié du Shah. Ce fut mon adieu à la capitale de la Perse dont le souvenir seul devait me rester désormais. La distance entre Téhéran et Recht chef-lieu de la province du Gilan, et d'une cinquantaine de farsaks. La poste met 48 heures pour l'effectuer. Il faut 10 ou 11 jours aux caravanes, y compris une journée de repos à mi-chemin. Notre Djélodar et ses Charwadar étaient originaires de Mossoul. Ceux-ci l'emportent sur tous les autres muletiers pour leur réputation de probité et sont plus considérés que leurs collègues persans. La haine provenant de la différence de religion est violente entre eux. Ces Arabes sunnites sont moins fanatiques que les chiites. Nos Charwadar étaient de beaux hommes, aux traits accentués, aux yeux brillants et au teint basané. La kéfié, foulard à raies multicolores, qu'ils portent sur la tête, retenue par une épaisse torsade en poils de chameau, fait ressortir le caractère de leur physionomie. D'humeur joviale, chantant constamment, ces muletiers marchent toute la journée, ne s'arrêtant que le temps nécessaire pour puiser de l'eau et la boire, quelque bourbeuse qu'elle soit. Ils n'ont pour tout bagage qu'une écuelle en bois passée dans la ceinture avec leur pipe. Celle-ci, seul luxe qui se permette, est généralement d'un travail charmant et supérieurement culotté. Un morceau de lavatch et leur nourriture en route. Aux étapes, un plat de riz les restaure. L'entretien et l'habillement du Charwadar sont à la charge du Djélodar. Celui-ci était tout à fait bienveillant et aux petits soins pour ma compagne et moi. Il conduisait le mulet chargé de nos kedjavés et me présentait souvent, en signe de cordialité, sa pipe fraîchement bourrée, offre que je déclinais avec force sourire et une mimique expressive. Le premier jour, notre caravane s'arrêta à 4 farsaks de Téhéran, au caravansérail de Mianjoub, tirant son nom d'une localité voisine. Les caravansérails sont, on le sait, les hôtels de la Perse. Rien n'est plus malpropre que les loges sombres de ces bouges, sans porte ni fenêtre. Il faut en faire la toilette avant de s'y installer, pour ne pas marcher sur les débris de tout genre, traces des nombreux voyageurs qui ont passé par là. Après que le balai a énergiquement fait son office, que les tapis, les tentures sont placés, que le samovar bouillonnant apparaît, que le thé est servi, le taudis prend un tout autre aspect. Malgré le flegme des orientaux, cette besogne est lestement enlevée car ils sont habitués à ces emménagements et déménagements répétés 2 fois par jour pendant la route. Si le thé est le régal à l'arrivée, le souper est le banquet du jour. Les voyageurs d'une caravane font chambrée commune, heureux s'ils n'ont pas à la partager avec d'autres étrangers. Chacun y arrange sa couche à sa guise, sans s'occuper de celle de son voisin. Le caravansérail de Mianjoub, comme tous les autres, est loué par le propriétaire à un individu qui en est l'hôtelier. Ses bénéfices consistent dans les pourboires des voyageurs, seule rémunération pour leur logement. Il y joint le profit du fourrage qu'il vend aux muletiers pour leurs bêtes. Il habite une loge sous la voûte d'entrée dont il ferme la porte le soir. Il est rare qu'un caravansérail soit attaqué la nuit par des voleurs, excepté dans les provinces limitrophes du Kurdistan et de la Turcomanie, dont les habitants ne sont rien moins que paisibles. Les Arméniens ne sont ni belliqueux ni renommés pour leur courage. Mon protecteur, le joaillier, ne faisait pas exception à cette règle. Craignant les armes autant que les voleurs, mais porteurs de pierreries précieuses, il avait néanmoins acheté des revolvers de tout genre, tant pour lui que pour ses jeunes compagnons. Tous en faisaient ostensiblement parade. Mais entre leurs mains, ces engins rappelaient les épouvantails placés dans les champs pour effrayer les oiseaux, car ils n'étaient pas chargés. La première nuit de notre halte, un incident comique que je n'oublierai jamais força les Arméniens d'exhiber leur arsenal. les deux golems, nos gardiens, dormaient profondément dans la cour. Ils avaient auprès d'eux un fanous afin d'être prêts au premier appel. Note, fanous, lanterne dont ces hommes sont munis. Fin de note. Non encore endormi, un bruit singulier me frappa. Il me semblait entendre marcher. Des intrus s'étaient-ils glissés auprès de nous pour troubler notre repos? Je réveillai l'Arménienne à côté de moi. Celle-ci, effrayée, appela aussitôt notre protecteur qui, à son tour, secoua ses voisins en criant « Aux armes !» Troublés dans leur sommeil, les jeunes gens saisirent bravement leurs revolvers. « Golam ! Golam !» crièrent-ils tous à la fois. « Apportez le fanous pour voir celui qui ose nous attaquer. Nous lui percerons le cœur !» Les golems, réveillés en sursaut, accoururent aussitôt et leur fanous éclaira une scène des plus burlesques. Chaque Arménien assis sur son séant tenait tout tremblant un revolver. Entre nos matelas étendus sur le sol marchaient majestueusement un coq et plusieurs poules faisant partie de la basse cour de notre caravane. Note, à chaque étape, on décharge les bêtes de somme et la volatile est laissée en liberté. Fin de note. Ces volatiles, effrayés, s'enfuirent à tire d'aile dès qu'ils se virent chassés par ceux auxquels ils avaient bien involontairement fait peur. Des éclats de rire terminèrent la scène et mon hilarité me tint éveillé longtemps après que le fanous des golems eut disparu. Fin du 48e chapitre.